Je voyais la scène, était 17 ans, mes chansons obscènes et les sentiments. Je croyais que tout s'arrêtait ici, quand tu me fuyais comme on fuit sans bouger. Tout ce qui semble acquis, donnerais-tu l'or d'une seule nuit, d'une seule aurore? Et c'est moi qui fuis et qui fuis encore. Les ponts de Paris se penchent sur ton corps qui ne m'a pas bercé. Mon unique chance de te voir valser sur mon insolence. Au dernier métro, rame de la chance, je ferai bravo, toi la révérence à mille étoiles de neige, un flocon de l'âge, sous le grand manège entouré de pages, mille de tes lettres et de mes silences, toi seul à connaître et toi seul danserais sur ma seule chance. Et puis je me tais, encore une phrase et je t'emportais dans la sarabande de mes jours de Pise, où sur ta demande je t'aurais comprise. Dès le point du jour, je quittais Paris, je quittais l'amour, je quittais la vie, comme un innocent coupable de tout, capable de tant, de tes rien, de tes tout, de mes dernières larmes à ma liberté, à mes pauvres lèvres ivres d'embrasser, dans ce vieux théâtre au rêve éculé, l'envie de me battre et puis de t'oublier, pour mieux te retenir ou te relâcher, seul dans ces rades où je t'ai cherché, misère opulente offerte à mes mains, toi là qui te plante et moi qui te reviens pour un dernier matin. Plante et moi qui te retiens pour un dernier matin.